Dieu de mon salut. Je crie vers toi jour et nuit. Du fond de ma nuit, je crie vers toi. Que ma prière monte jusqu'à toi. Mon âme est rassasiée de malheur. Et ma vie touche au séjour des morts. Je suis compté parmi ceux qui descendent, comme un homme sans force oublié. Mais je crie vers toi, Seigneur, même dans l'obscurité, même quand tout s'éteint. Réel. Je suis mis parmi les morts, comme ceux que tu n'atteins plus, éloigné de ta main. Dans la tombe, tu m'as plongé dans les profondeurs. Tes colères passent sur moi, Seigneur. Toutes tes vagues m'ont submergé. Mais je crie vers toi, Seigneur, même dans l'obscurité, même quand tout s'éteint en moi, je lève encore ma voix. Du fond de l'abîme, je t'appelle, mon Dieu, mon seul espoir. Parlera-t-on de ton amour dans la tombe, de ta fidélité dans le lieu du néant? Les morts se lèveront-ils pour te louer? Les ténèbres connaissent-elles tes miracles, Seigneur? Dès le matin, ma prière monte à toi. Je tends les mains vers le ciel fermé. Pourquoi, Seigneur, jettes-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je souffre depuis mon enfance. Terrifié, je suis à bout de force. Et pourtant je crie encore dans la nuit, dans la douleur. Tu es le Dieu de mon salut. Même quand je ne vois plus, du fond de la nuit, je t'appelle, mon Dieu, même dans le silence, mon ami, c'est la nuit, mais je t'appelle.